En Corée, une centaine d'écoles secondaires supérieures techniques ont ouvert la porte. Elles sont destinées à l'enseignement général et à l'enseignement technique pour le secteur métallurgique, houiller, électrique, de pêche, agricole, d'élevage, d'arboriculture fruitière et chimique. Sur la base de l'expérience de leur gestion, d'autres écoles du genre seront mises sur pied.